l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Le verbe solmiser est quelquefois employé comme synonyme de solfier, c'est-à-dire chanter un air sans restituer les paroles en les remplaçant par le nom des notes chantées. Par extension, la solmisation pourrait correspondre au fait d'attacher des noms ou des lettres à telle ou telle note. Une fois dit comme ça, le fait de nommer les notes peut donner envie, au moment de composer, d'agencer les notes en fonction des jeux de lettres que la composition musicale peut donc produire. Si la lettre A est conventionnellement attachée à la note La, et si la lettre B est attachée à la note Si, alors un musicien peut jouer Si La Si La en guise de B à Ba. Bref, la solmisation annonce la possibilité de faire de la musique codée. Pour faire l'histoire de cette solmisation créative et parcourir son actualité, nous recevons le pianiste, pédagogue et auteur fondateur de l'UMUPO, l'ouvroir de musique potentielle, Valentin Villeneuve. De qui est cet alphabet, Valentin Villeneuve? Alors, c'est une plaisanterie musicale hein, qu'on trouve dans certains catalogues Mozart, mais à l'origine, on l'a rangé dans les volumes qui contiennent les œuvres dont la paternité est un peu douteuse. Hein. Il y a le jeu de dés de Mozart, la tartine de beurre, il y a tout un tas de partitions extrêmement connues que la postérité a attachées à Mozart, mais... En fait, j'ai mis un petit moment à trouver vraiment à quel moment dans l'histoire elle fait son apparition. Et même si vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale, d'ailleurs, vous verrez qu'on la date des années 1770, ce qui est en fait totalement faux. Elle fait son apparition en 1830, donc bien plus tard, et elle est signée à l'époque par un dénommé Karl Eduard Pax. Qui était un compositeur allemand de la première moitié du 19e siècle. Et donc on l'a rétrodaté pour pouvoir l'attribuer à des compositeurs connus du 18e siècle. Voilà, ça c'était une combine éditoriale très très connue à l'époque. Hein. Il y a des tas de choses qui ont été attribuées à Haydn, à Mozart. Le révisionnisme courant des années 1830-40. C'est le star system, hein. Ça fait vendre. Alors là, ils disent A, B, C, D, E, F, ils disent tout l'alphabet. En fait, quand on désigne les notes de musique, comme il n'y en a que 7, du moins dans le système conventionnel de l'époque, a priori, on peut pas aller au-delà de A, B, C, D, E, F, G. Excusez-moi, ça vous ennuie ? Je vais faire une toute petite... je vais insérer juste avant que vous rebondissiez là-dessus. Je voudrais juste dire ce qui est d'autant plus aberrant qu'à l'époque même, au 19e siècle, l'alphabet en Allemagne est un objet qui n'est pas encore fixé. On ne sait pas si ça inclut le J ou pas, si il y a le W ou pas. Donc, il y a quelques aménagements dans cette partition qui sont tout à fait anachroniques. D'accord. Alors oui, alors précisément, puisque vous dites voilà, qu'il est question de l'alphabet en Allemagne, c'est qu'en Allemagne, on désigne les notes par des lettres, alors que... dans le même temps, en France, on le désigne par des petites syllabes qui sont donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, et ça date d'il y a longtemps. Oui, il y a vraiment deux façons, deux systèmes qui coexistent encore aujourd'hui pour désigner les notes. Il y a un système prononçable et un système qui l'est beaucoup moins. Ce qui fait que quand vous adressez à des musiciens anglo-saxons ou allemands, en général, quand ils vous chantent une mélodie, ils font la la la la la, alors que nous, on fait ré mi fa mi ré. C'est beaucoup plus chantable. Ça, c'est un système qui est... Alors, on peut le dater assez précisément. On dit que c'est ce moine Guido d'Arezzo qui, dans une lettre des années 1030, donc vraiment le 11e siècle, aurait, dans cette lettre, il aurait pris un hymne qui datait de deux siècles plus tôt encore, un hymne à Saint-Jean-Baptiste, et en prenant les premières syllabes de chaque vers, donc août, ré, mi, fa, sol, il a eu l'idée de construire un système de solfège, enfin de désignation des notes. Et donc ces syllabes-là, après il y a eu quelques aménagements pour ajouter le si par exemple notamment, c'est ces syllabes-là qui continuent à être utilisées aujourd'hui. Et ça, c'est l'explication officielle, en tout cas. Ça a suffisamment fait autorité pour qu'on pratique encore cette nomination des notes. N'empêche que c'est bien quand ce n'est pas chantable et qu'on utilise plutôt des lettres en Allemagne qu'on peut alors jouer avec les mots que composent les lettres et que donc composerait, par jeu de cryptage, la succession des notes qui leur correspondent. Alors oui, voilà, un système de codage qui est tout à fait évident, hein. Alors, ça marche très très bien pour le début de l'alphabet. C'est sûr que toutes les lettres de A jusqu'à G, voire H, étant déjà des notes en elles-mêmes, il y a certains noms qui vont s'y prêter très très bien. Alors, il y a le nom de Bach, par exemple, qui voilà. Lui a son ABC dans son nom. Mais alors, le H, il peut pas être do, ré, mi, fa, sol ou la. Aussi. Alors ça remonte vraiment au tout début du langage tempéré, où dans certains pays, on s'interrogeait sur le statut du si. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que même dans notre système out, ré, mi, fa, sol, la, le si n'était pas à l'origine, on a été obligé de le rajouter par la suite. Et celui qu'ils ont choisi de rajouter en Allemagne, c'était le si bémol. Donc la lettre B, A, B, C, D, E, F, G, le B en fait c'est le si bémol. Et du coup, quand on s'est dit, non, quand même, on a besoin d'une vraie sensible, on est allé rajouter le si naturel, qui est donc la lettre H pour les Allemands et quelques pays nordiques. Mais par contre, les Anglais, eux, ils s'arrêtent à G. La sensible, c'est le dernier degré de la gamme ou l'avant. Voilà. Si, do. On a vraiment envie qu'elle monte. Alors, on va écouter un extrait du prélude et fugue sur le nom de Bach que a pu composer au XIXe siècle Franz Liszt, puisqu'on a tout un tas de compositeurs qui, dans la suite de Bach, ont joué avec ce qu'on appelle le motif Bach, c'est-à-dire cette suite de notes. B-A-C-H. B-A-C-H, c'est-à-dire si bémol, la, do et si. Si naturel, oui. Si naturel. Voici un extrait. Extrait donc de ce prélude et fugue sur un nom de Bach dont la matrice est dans ce motif, voilà. Si bémol la do si. D'ailleurs, c'est Bach lui-même qui avait commencé à signer ses partitions avec ce motif. Il le faisait discrètement au début, et puis comme c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'expérimentation formelle, ça l'amusait énormément. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu ensuite de plus ou moins révéler le procédé. On a le cas dans la suite de toutes les partitions qui s'inspirent de ce motif. Le cas par exemple des variations pour orchestre opus 31 de Schoenberg, où effectivement le motif Bach apparaît, mais il est assez discret, très discret. Et puis on a le cas où il est très très montré de Ennio Morricone dans le retour sur le nom de Bach. On a d'autres jeux de lettres dans ce genre-là. Alors vous soupçonnez par exemple que Schumann a pu orienter ses goûts en fonction des jeux de lettres que permettait le nom qui l'obsédait ? C'est quand même une coïncidence particulièrement heureuse, on va dire, que Schumann ait flashé sur une fille qui s'appelait Abeg. Oui, parce que comme ça restait dans la gamme. Ouais. Ça, c'est très pratique. Ça vous dicte un motif musical immédiatement. La mélodie est toute écrite. Thème et variation sur le nom Abeg, A-B-E-2-G, de la Schumann. Si bémol, mi, sol, sol. Alors, Schumann, c'était pratique parce que pour les trois premières lettres de son nom, la lettre S, ça serait E-S, hein, si on l'écrit en toutes lettres. Et E-S, c'est quoi ? C'est mi bémol en allemand. Donc, au moins les trois premières lettres de son nom, et Shostakovich en est servi par la suite aussi, ça marche aussi. Pour son propre nom. Voilà. Mais rajouter le Ré, c'est-à-dire l'initiale de Dimitri. Voilà. Mais c'est sûr que, bon, là, c'est un hack, comme on dirait en informatique. Pour la suite de l'alphabet, ça se complique un peu quand même. Oui, parce que donc il y a des compositeurs qui ont voulu jouer avec un compositeur qu'ils aimaient bien, ce qui est à dire Haydn. Et là, il y a un problème avec le Y. Ça, c'est le centenaire de la mort de Haydn, donc en 1909, pour lequel Jules Écorcheville, qui était le fondateur de la Société internationale de musique, la revue SIM, qui s'est adressé à tous les compositeurs français un petit peu à la mode pour écrire des partitions sur le nom de Haydn. Alors, il avait un système qui était tout simple, hein, il faisait tourner l'alphabet, donc une fois que vous êtes arrivé à H, bah, vous repartez du La, et ainsi de suite. Alors, ça pose quand même un tout petit problème, enfin une petite question, c'est que du coup, bah, le Y, par exemple, tombe sur un Ré, tout comme le D. Donc il y a redondance. Voilà. Et alors, il y en a un qui n'a pas du tout aimé, c'est le vieux Saint-Saëns, qui a écrit à son ancien élève Gabriel Fauré pour lui dire « Ah, je boycotte cet exercice complètement formel. » Ouais. Voilà. Tant qu'on ne m'aura pas prouvé par quelle raison le Y devrait tomber sur un Ré. Donc, Fauré et Saint-Saëns sont tous les deux boycottés, mais heureusement, beaucoup d'autres auteurs, notamment Ducas, Debussy, Ravel, etc., ont participé avec bonheur à cet exercice. Et bien voici le menuet sur le nom de Haydn, la contribution de Maurice Ravel par Robert Casadesus. Robert Casadesus qui interprète avec beaucoup de tenue ce menuet sur le nom de Haydn de Maurice Ravel. Et vous me disiez, Valentin Villeneuve, que Ravel a aussi joué avec le nom de Fauré, mais en utilisant un procédé de transcodage différent. Oui, la translittération qu'il va utiliser quelques années plus tard, quand il s'agira non plus de rendre hommage à un compositeur disparu depuis un siècle, mais à quelqu'un qu'il a bien connu, Gabriel Fauré. Dans sa berceuse sur le nom de Fauré, il utilise un système un peu différent. Il n'utilise plus le B pour le si bémol, il l'utilise pour le si naturel, à la façon anglaise. Alors, le titre de cette émission, c'est « Solmiser », c'est-à-dire chanter les notes en même temps, les faire entendre. Là, il y avait un jeu de codage que permet la solmisation, mais il n'y avait pas vraiment solmisation, puisque les lettres n'étaient pas prononcées. Je vais vous faire entendre une partition du début du 19e siècle de Carl Gottlieb Ehring, qui s'appelle « Café C-A-F-F-E-E, et ça prête à une espèce de canon avec les lettres correspondantes, cette fois solmisées. Là, on a un jeu musical à partir du jeu de lettres, on pourrait dire. Oui, bah c'est une époque où ils adoraient... Bon, à toutes les plaies époques, il y a eu des jeux musicaux, mais tout particulièrement à la fin du 18e, début 19e, on en trouve énormément, des jeux de loi musicaux, des jeux de dés musicaux, des canons bizarres, des trucs cryptés, codés, etc. Ils en raffolaient vraiment. C'était aussi l'époque de l'invention de la télégraphie, l'époque où va naître Samuel Morse, qui va inventer le nom Morse et qui va parfois permettre de rétrocoder certaines partitions de l'histoire. Valentin Villeneuve, je vous propose d'entendre une version en Morse mais musicalisée de vos initiales, c'est-à-dire VVA. Alors, le code Morse n'existait pas quand Beethoven a créé la 5e symphonie, mais rétroactivement, on a utilisé comme signe de V comme victoire ce motif de la 5e symphonie au moment du débarquement. Oui, oui, non, mais je suis touché qu'il ait pensé à moi, c'était aimable. On a le cas de musique qui sont tellement devenus des codes, voire du design sonore, qu'on se demande encore si c'est de la musique. Ça peut être le cas de ce motif. Alors sur le site de Lumupo, Valentin Villeneuve, vous avez fait toute une enquête sur ce motif pour montrer que les Anglais ont tendance à ne pas vouloir trop l'assumer comme un code, même si c'est devenu le top horaire de la BBC, en essayant de lui donner une épaisseur musicale et historique pour ça. Alors c'est vraiment le type d'objets musicaux qui m'intéresse et qui nous intéresse à Lumupo, parce que ça devient une part de l'inconscient, de l'imaginaire musical collectif. Et quand on se penche vraiment sur... À l'origine, c'était le carillon de Cambridge, hein, de l'église de Cambridge, qui a été réutilisé pour Big Ben. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que... D'ailleurs, le moment où il a été conçu pour l'église de Cambridge, on avait fait appel au titulaire, l'organiste titulaire de Cambridge, mais apparemment, c'était pas quelqu'un de particulièrement brillant. Et il se murmure qu'il aurait fait appel à un de ses étudiants qui s'appelait William Crouch, qui avait seulement 17 ans à l'époque. Et donc, si ça se trouve, ce petit jeune homme de 17 ans a écrit ce motif, ces quatre motifs sur quatre notes, qui sont devenus un des objets musicaux les plus entendus au monde, quoi. C'est assez extraordinaire. Et par la suite, les Britanniques sont allés, je ne sais pas qui a eu cette idée de génie, sont allés chercher dans le Messie de Handel, parce que Handel, c'est vraiment leur compositeur national, hein, c'est la rockstar aux États-Unis, on rigole pas avec Handel. Ils sont allés chercher, mais alors c'est vraiment au milieu d'une partition, au fin fond du Messie, effectivement, on trouve sol, fa, mi, si, et puis très très très très très loin, on va retrouver si, fa, sol, mi. Donc on trouve quelques bouts qui peuvent éventuellement rappeler le carillon de Big Ben. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une retcon, hein, une rétroactive continuity en narratologie. C'est le moment où on va aller imaginer une histoire, une origine apocryphe pour quelque chose auquel on tient. Alors, une cinquantaine d'années avant qu'on invente le téléphone, on a inventé le mot téléphonie autour de 1828. C'est un certain Sudre qui, en fait, en guise de téléphonie, avait imaginé qu'un violoniste, par exemple, qui joue une suite de notes, si on la transcrivait en lettres, pouvait donc transmettre un message codé. Et l'Académie des sciences l'a pris suffisamment au sérieux en se disant que ce système-là pourrait très bien servir de langue universelle. Alors, non, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est encore plus compliqué, vous voulez dire. Alors, c'est un tout petit peu plus subtil. François Sudre, c'était un ancien soldat de l'armée napoléonienne. Et il y avait cette idée à l'époque, hein. Par exemple, il y avait le télégraphe Chappe qu'on voit notamment dans le Comte de Monte Cristo, où vous avez des relais sur des collines. Ça, c'est dès 1790. Absolument. C'est l'année de la flûte enchantée. et donc, l'idée de Sudre, elle est remarquablement simple et en même temps extrêmement prometteuse. C'est au lieu de mettre des panneaux qui font des formes différentes, si on mettait tout simplement un mec avec un clairon sur chacune de ces collines, ou avec une trompette à piston, est-ce que simplement en jouant des notes, si on a une correspondance assez fiable entre des notes et des lettres, ou des notes et des mots carrément, on ne pourrait pas transmettre des messages. Voilà, on met un cornet tous les 15 kilomètres et puis pff, le tour est joué. Donc, téléphonie, oui, au sens propre, on entend à distance comme ça. Alors ça, c'est un système qu'il a appelé le Sol-Ré-Sol. Alors, plus tard, il s'est dit, mais finalement, ça pourrait être non seulement un système purement utilitaire de communication, mais ça pourrait être carrément une langue universelle. Et là, vous vous rendez compte, on est plus d'un demi-siècle avant l'espéranto. On est, cette idée d'une langue universelle, c'est vraiment quelque chose de remarquablement novateur. Moi, personnellement, bon, j'ai pas beaucoup enquêté, mais je ne connais pas d'exemple avant lui. Et il a cette idée que donc, rien qu'avec les syllabes do, ré, mi, fa, sol, la, si, on a donc sept syllabes très simples à retenir, on va pouvoir faire une langue qui servira à communiquer sur la Terre entière, à exprimer toutes les pensées et tous les mots. Alors il va carrément inventer toute une grammaire, un vocabulaire, un lexique, une syntaxe, avec des idées. Par exemple, je crois que suivant là où vous mettez l'accent tonique, sol, ré, sol, ça va être le langage, mais sol, ré, sol, ça va être la connaissance. Ou c'est peut-être dans l'autre sens, mais enfin, moi je trouve ça absolument remarquable. Sol, ré, sol voulant dire langage, voilà. dans son système. Voilà. Et donc du coup, il a cette idée d'une langue universelle et il ira même encore plus loin, puisqu'il va même transformer ça en langue des signes, en faisant des petits signes sur vos doigts. Comme il n'y a qu'un nombre très restreint de syllabes, bah finalement, vous pouvez parler en sol, ré, sol. Et là, encore une fois, on est des décennies avant l'invention de la langue des signes pour les sourds. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui débordait d'imagination et d'idées remarquables. Pour se donner une idée quasi concrète alors de ce que ça peut donner, certain Frédéric Inigo a transcrit en langage musical sudre une fable de La Fontaine. Corbeau et renard. Sudre recommande en effet de se défaire des articles inutiles. Maître corbeau sur arbre perché, imparfait tenir. En effet, Sudre préconise d'annoncer le temps des verbes par deux notes, ici l'imparfait, et de donner ensuite le verbe à l'infinitif. Vous constaterez que la conjugaison au présent de l'indicatif n'existe pas, l'infinitif suffit. Maître corbeau sur arbre perché, imparfait tenir en son bec fromage. Maître renard, par odeur alléché, lui, passé simple tenir, presque ce langage. À peu près, n'existant pas dans l'ouvrage de Sudre, nous nous sommes permis cette substitution. Ce n'est d'ailleurs pas la dernière. Pardon, bonjour monsieur corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapportait à votre plumage, vous êtes phénix des hôtes de cette forêt. À ces mots, corbeau ne se sentir plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvrir large bec et laisser tomber sa proie. Renard s'en saisir et dire « Mon bon monsieur, impératif à prendre que tout flatteur vivre aux dépenses de celui qui l'écoutait. » Cette leçon valoir bien fromage, sans doute. Corbeau, honteux et honteux, ni confus ni confusion chez François Sudre. La répétition de l'adjectif honteux nous a paru fort séduisante, inattendue et pertinente. Corbeau, honteux et honteux, passé simple, juré, mais un peu tard, qu'on ne le conditionnel prendre plus à cela. Au saxophone, les noms, les substantifs. À la flûte, les adjectifs. Au piano, les verbes et leur temps. Et à la contrebasse, les articles utiles, conjonctions et autres petits mots. Gazelle. Chevreuil. Daim. Cerf, lièvre, lapin, écureuil, cochon d'Inde, marmotte, taupe, fouine, blaireau, renard. Frédéric Inigo, qui donc utilise le système inventé par François Sudre au début du 19e siècle pour transcrire en musique une fable de La Fontaine et, ce faisant, la rendre universelle. Voilà, on a été en contact à l'Umupo avec Frédéric parce que effectivement, le sol ré sol, c'est une mine d'or pour nous. Non seulement dans le sens qui consiste à inventer des poèmes ou traduire, par exemple, il y a des gens qui ont traduit des scènes de Shakespeare en sol ré sol, et donc après, évidemment, c'est tentant de jouer la mélodie qui correspond. Mais on pourrait également imaginer en autre sens. C'est-à-dire, moi, je rêverais de transcrire une sonate de Beethoven en langue sol ré sol pour chercher à comprendre ce qu'en fait Beethoven cherchait à nous dire. Et déjà, oui. On sait qu'il faisait du morse. Maintenant, je voudrais savoir ce qu'il faisait en sol ré sol. Alors, vous parlez de solmisation inverse. Ça veut dire quoi ? Alors, la solmisation inverse, c'est quand, au lieu de partir d'un objet musical mélodique et de le transformer en syllabe prononçable, on part de syllabes prononçables, on essaye de combiner des syllabes de façon à ce que derrière ça puisse déboucher sur des noms de notes et sur quelque chose qu'on puisse jouer avec un instrument. Alors, un exemple de Robert Desnos, en 1923, il écrit « Langage cuit » où on trouve quelque chose comme ça, c'est « La, l'Asie, sol, miré, phare, do, fal, ami, docile à la femme, il l'adore et doci, do, la, mille, ami. » Ce qui est tout à fait clair. C'est pas ça aussi qu'on appelle le langage des oiseaux ? Vous m'en demandez trop, ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas travaillé. D'accord. Mais dans le sillage de Desnos, enfin, parmi les épigones du surréalisme, il y avait aussi à la même époque Louise de Villemorin et son célèbre Fado. Son Fado dans l'alphabet des aveux en 1953, où elle reprend d'ailleurs l'ami docile. Elle commence par l'ami docile, ami la, fade au sol, ciré la sol, a si facile à adorer. Voilà. Ce qui donne envie de le jouer. Oui, tout à fait. La musique classique est au-delà. C'est Métaclassique, avec David Christoffel. Serge Giraud et Jean-François Zigel, à l'occasion d'une émission de France Musique, dans ce Fado de Villemorin, remusicalisé donc à partir des notes citées par homophonie dans le poème. C'est vrai. Alors là, c'est une solmisation inverse qui est assez simple, parce que vous n'avez que des noms de notes diatoniques, hein, de Rémi Fassol et Si. Il y a quelqu'un d'autre qui a utilisé le même système, c'est Georges Perec. Pas moins, qui avait, au moment où il est mort, il avait dans ses cartons un projet d'opéra entier avec le compositeur Philippe Drogoz, qui s'intitulait « L'art effaré ». Et voilà, il avait déjà commencé à travailler, à avancer sur ce sujet, même si c'est resté à l'état embryonnaire. Avec exactement ce procédé donc de Desnos et de Louise de Villemorin. Voilà. Maintenant, on peut utiliser des systèmes de solmisation chromatiques qui nous donneraient tous les demi-tons, ce qui multiplie les possibilités de phonèmes, de syllabes utilisées. Par exemple, dans les années 1950, le violoncelliste Paul Tortelier avait proposé qu'on utilise, au lieu de dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, il y a plein de voyelles différentes, c'est le bazar. On garde le i uniquement pour les dièses, le o uniquement pour les bémols. Donc ça ferait quelque chose du genre do, ro, mo, fo si on dit que des bémols, di, ri, mi, fi si on dit que des dièses. Et donc avec ce système-là, il avait même été jusqu'au double dièse et au double bémol. On commence à étendre vraiment le stock de syllabes disponibles. Mes petits camarades de la liste ou l'hypo se sont parfois amusés à écrire, par exemple, la logorée des mal-aimés, des textes entiers qui, du coup, sont très faciles ensuite à transcrire sous forme mélodique. Qui sont même faits pour ça. Voilà. Alors, vous êtes fondateur donc de l'UMUPO, l'ouvrage de musique potentielle, ce qui vous attire des dénonciations de la part de tous les gens qui trouvent des documents bizarres dans leurs archives. Et c'est comme ça que vous avez pu repérer un certain Alfred Jossé, qui, à la fin du 19e siècle, avait inventé la typophonie. Oui, alors ça, c'est vraiment un objet... Ce Alfred Jossé est resté dans l'histoire comme un illustre inconnu. On n'est même pas sûr de sa date de naissance, d'ailleurs. Mais alors lui, carrément, il utilise un système qui est à base de lettres, mais en même temps, c'est à la fois des lettres et des initiales. Par exemple, le fa, ça va être F, le la, ça va être L. Mais c'est encore plus compliqué parce qu'il utilise des groupes de 2, de 3, voire 4 notes, des appoggiatures, des accacciatures pour noter les accents aigus ou graves, les cécédilles. Enfin, ça devient un truc complètement incroyable. Et le pire, c'est que ce monsieur, d'après les explications qu'il donne, était dans une démarche pédagogique, c'est-à-dire... Il annonçait ça comme le conservatoire de l'avenir. Voilà. Et moi, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a un petit jeune qui est débarqué à Paris dans les années 1750 avec un système complètement révolutionnaire. Il pensait que ça allait complètement révolutionner l'enseignement de la musique. C'était Jean-Jacques Rousseau. Rousseau avait, il pensait être le premier, en fait il n'était pas du tout le premier, mais il avait tout simplement eu l'idée de mettre des nombres sur les notes. Donc au lieu de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Mais alors, quand on commence à rajouter les dièses, les bémols, à transposer dans telle ou telle tonalité, ça devient en fait atrocement compliqué. Et finalement, son système... Bon, en plus, Jean-Philippe Rameau lui a mis des bâtons dans les roues, mais c'était un système qui a fait un bide total, quoi. En tout cas, ça a suffi à vous donner des envies, Valentin Villeneuve, cette idée de traduire des nombres en notes, c'est de donner une version musicale du nombre pi. Oui, tout à fait. On peut utiliser... Alors, c'est sûr que la musique, c'est vraiment un langage mathématique par excellence. Hein. C'est la citation de Leibniz, c'est de la musique où l'esprit ne se rend pas compte qu'il est en train de compter. Bah, par exemple, si on prend une suite de chiffres arbitraires, mais ça peut être une suite arithmétique, ça peut être la suite de Fibonacci, ça peut être les décimales du nombre pi. Alors, ce qu'il y a de bien avec le nombre pi, c'est qu'on peut l'exprimer dans plusieurs bases. Vous pouvez l'exprimer en base 7... C'est pratique pour les notes diatoniques, les touches blanches du piano. Vous pouvez l'exprimer en basse 12. Alors là, on a carrément tous les demi-tons. Nous, on le connaît surtout en basse 10, ce qui, du coup, pose des problèmes à n'importe quel compositeur. Quelles sont les deux notes qu'on va exclure ? Moi, j'ai eu d'autres propositions. Par exemple, on peut tout simplement le traduire sous forme de quantité de notes. Une note, puis trois notes d'abord, puis une note, puis quatre notes, etc., etc. C'est notamment ce que j'ai proposé au Palais de la Découverte, puisque j'ai fait créer une partition pour orchestre d'enfants dans le hall du Palais de la Découverte, en hommage à la célèbre salle pi du Palais de la Découverte, donc avec des différents codages du nombre pi. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai enregistré ça, ça a un peu défrisé les gens du Palais de la Découverte parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des notes graves en plus. J'aurais dit, bah oui, si je joue seulement des quantités de notes avec la main droite, bon, c'est d'un intérêt musical un peu limité. En fait, ce que je fais avec ma main gauche là, pendant ce temps, c'est que j'utilise le nombre pi, mais développé en base 3. Et donc, ça me donne que des do plus ou moins graves. Et donc, en fait, là, déjà, dans ce que vous avez entendu, il y a déjà deux systèmes de codage. Qui sont superposés. Voilà. Alors, vous êtes, par conséquent, aussi attiré la sympathie d'un compositeur qui travaille beaucoup sur les rapports entre musique et mathématiques et qui maintenant alors œuvre aussi dans le cadre de l'UMUPO, qui est Tom Johnson. Ah, Tom Johnson qui avait fait un opéra de 4 notes par exemple. Oui, à l'heure où nous enregistrons, il s'apprête à fêter son 80e anniversaire, donc c'est vraiment le doyen de l'UMUPO. C'est un compositeur de ce courant qu'on a dénommé minimaliste, et je pense que le terme s'est jamais aussi bien appliqué qu'à lui, parce que lui, il est vraiment resté pur et dur, et même, c'est tout juste, il ne s'est pas radicalisé sur le tard. Donc, effectivement, il va chercher des structures mathématiques, parfois du simple dénombrement, d'ailleurs. Hein. On n'est même plus dans les notes, on est dans des séquences rythmiques, dans des structures à l'état le plus brut. C'est le cas notamment de plusieurs partitions de dénombrement, de counting languages, counting seven, etc., etc., qui sont simplement voilà, des processus d'énumération qu'on peut entendre et percevoir d'une façon en fait musicale. Et on va écouter Tom Johnson compter jusqu'à 7 dans différentes langues, à commencer par le français. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, ça tu du what siga, ça tu du what siga. Satu satu dua satu dua tiga satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu satu dua satu dua tiga satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima. A hinna do a do, three a three a three a car, a car a car a car a cuig a cuig a cuig a cuig a cuig a hinna do a do a three a three a three a car a car a car a car a cuig a cuig a cuig a cuig a cuig a hinna do a do a three a three a three a car a car a car a car a cuig a cuig a cuig a cuig a cuig a hinna do a do a three a three a three a car a car a car a car a cuig a cuig a cuig a cuig a cuig a hinna do a do a three a three a three a car a car a car a car cuig cuig cuig cuig cuig hein do a do a three a three a three a car a car a car a car a cuig cuig cuig cuig cuig hein a do a three a three a three a car a car a car a car a cuig cuig cuig cuig cuig ichi ichi ichi ichi ichi ichi ichi ni ni ni ni ni ni ni san san san san san san san yon yon yon yon yon yon yon go go go go go go go Arba, arba, chemesh, arba, chemesh, shesh, arba, chemesh, shesh, sheva, chemesh, shesh, sheva, shesh, sheva, sheva. Chemesh, chemesh, shesh, chemesh, shesh, sheva, shesh, sheva, sheva. Shesh, shesh, sheva, sheva, sheva. Par certains moments, on a presque l'impression qu'il lit un langage, on peut pas dire binaire, mais qui va jusqu'à 7, comme si on lisait un programme informatique. Ce qui m'amène à la question, Valentin Villeneuve, des perspectives que peuvent vous offrir les outils informatiques. Oui, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que moi, j'utilise souvent la métaphore. Bon, moi, je suis extrêmement geek, nerd, très, très, très dans l'informatique, et en particulier les logiciels libres. Et on a souvent cette métaphore dans l'informatique du bas niveau et du haut niveau. Hein. Vous avez vraiment ce qui se passe au niveau du circuit électronique. Il y a du courant, il n'y a pas de courant. 0, 1, ça, c'est vraiment le plus bas niveau. Après, un tout petit peu plus haut niveau, vous avez les instructions qu'on envoie au processeur. Mais bon, ça reste quand même c'est costaud, quoi, l'assembleur, tout ça. Et à un niveau encore plus élevé, vous avez les langages de programmation tels que Python, JavaScript, tout ça. Et encore au plus haut niveau, vous avez l'interface pour l'utilisateur où, voilà, vous cliquez à tel endroit. Alors, le système que j'utilise pour éditer mes partitions depuis une grosse douzaine d'années maintenant, C'est un logiciel libre qui s'intitule GNU Lilypond. Et Lilypond est un logiciel très particulier parce que finalement, au lieu de placer les notes avec votre souris, comme dans la plupart des logiciels graphiques, vous tapez le nom des notes. Il y a une syntaxe. Vous pouvez les taper alors soit sous forme de lettres, parce qu'à l'origine, ça a été fondé par deux lycéens hollandais, donc ABCD, soit à l'italienne, voire depuis peu, j'ai rajouté le langage français, où vous pouvez taper le ré avec un E accent aigu. Vous avez des chiffres pour les durées, vous avez des signes pour voilà, les liaisons, les nuances. Enfin, c'est toute une syntaxe qui finalement est assez intuitive. Moi, j'anime des ateliers Lilypond, y compris pour des enfants de 5-6 ans. Ça marche très, très bien. Et c'est d'une richesse absolument incroyable. Donc, moi, à l'heure actuelle, je n'utilise plus que ça pour éditer mes partitions. Alors, moi, j'utilise les noms de notes à l'italienne. Alors, tout le monde me dit « Ah, mais tu tapes deux fois plus de lettres !» Je dis « Oui, mais au moins comme ça, je peux chanter pendant que je tape. » Et donc, pendant que je tape mes partitions, à chaque fois, je suis en train de chantonner « Do, ré, do, si, la », etc. Ce qui est, voilà, tout un monde... Et le fait d'envisager la partition comme ça sous forme de code me permet finalement d'être à un niveau un petit peu plus haut, de prendre de la hauteur, parce que par exemple, un auteur, un compositeur qui code sa partition, rien qu'en voyant comment il organise son code, les noms qu'il donne à ses variables, les petits commentaires qu'il va mettre parfois au fil de son code, les repentir parfois, ah tiens, il a enlevé telle ligne, il a changé, il a remplacé par ça, ci et ça... On a finalement tout un métalangage de la musique qui se développe et qui me paraît extrêmement prometteur pour l'avenir. Je ne peux que encourager mes petits camarades et les autres à faire l'apprentissage de ce langage parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyablement intéressant et de porteur même d'un geste artistique. Mais alors vous pourriez aussi de la même façon dedans recopier des partitions, je sais pas par exemple des partitas de Bach pour voir ce qu'elles voulaient dire. Absolument, alors j'ai édité beaucoup de partitions, notamment des manuscrits de compositeurs complètement oubliés du 18e siècle que j'ai déterré, que j'ai lilipondé et que je publie évidemment sous licence libre comme tout le reste de mes partitions. Et donc ce qui est intéressant c'est que quand vous avez ces partitions, non seulement vous pouvez les avoir en PDF, voilà, les imprimer, mais vous pouvez avoir le code source de la partition qui souvent est même inclus dans le fichier PDF lui-même, ce qui vous permet dès que vous avez un doigté à rajouter, une adaptation à faire, une transposition, que sais-je, vous pouvez accéder au code source, modifier ce qui doit l'être, recompiler votre partition et voilà. Donc ça ouvre des possibilités d'archivage, de pérennité des textes musicaux qui sont extrêmement intéressantes. Et encore une fois, le plus extraordinaire de tout ça, c'est que ce logiciel qui est vraiment sans aucune comparaison, c'est un logiciel libre. Il est fait que par des bénévoles depuis 23 ans maintenant, bénévoles du monde entier. Et donc, comme c'est libre, je peux en distribuer allègrement des copies à tous mes élèves, à tous les gens que je croise, en toute légalité. Pour terminer, une question peut-être grave. Est-ce qu'une musique qui vient d'un codage est plus ou moins de la musique ? La question du geste expressif, c'est une question qui ne cesse jamais de se poser. Et donc, à la limite, même la sirène des pompiers que vous entendez en bas de chez vous, si vous arrivez à l'associer à un geste expressif, à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi ça ne pourrait pas être autant de la musique que quelque chose qui a très officiellement été fait pour ça ? Et donc, ça n'a pas besoin de dire quelque chose, de vouloir dire quelque chose, enfin de pouvoir signifier, d'être transcriptible en langage et en lettres pour que ça marche. Là, vous posez la question du dénoté et du connoté. Hein. C'est, moi, je pense, et Stravinsky avait écrit quelque chose à ce sujet, d'ailleurs, il a écrit beaucoup de choses, parfois très contradictoires les unes des autres, mais la musique, elle fait sens que quand on commence à l'aider, nous, en tant qu'auditeurs, en tant qu'interprètes, et en tant qu'auditeurs, on l'aide à faire sens. Par elle-même, ça reste des points sur des lignes ou des vibrations de l'air autour de nous. C'est l'humain qui donne le sens. Merci, Valentin Villeneuve. De rien. Thank you.